Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant la merveilleuse invention de la crêpe, le monde était peuplé de chevaliers, de dragons, de magiciens et de fées. Du centre de l'Angleterre jusqu'à la Bretagne, s'étendait un immense territoire fait de brumes, de légendes et de forêts impénétrables. Le royaume de l'ogre. L'époque est trouble, la couronne menacée. Uther Pendragon, le roi, le chef des Bretons, a été assassiné. Après de longs mois de chaos, son fils, le jeune Arthur, a finalement réussi à rétablir la paix. À la demande du magicien Merlin, il a réuni autour d'une grande table ronde les plus valeureux chevaliers du royaume. On les appelle depuis ce jour les chevaliers de la table. Eh bien, ronde, hein, puisque la table est ronde. Une bien jolie histoire, n'est-ce pas? Pleine de bravoure, de cœur pur et d'épée qui scintille. Mais, toi et moi, nous le savons, derrière chaque récit se cache souvent une chaussure. Pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Un autre récit, bien plus obscur. L'héroïne de cette odyssée s'appelle Morgane. C'est une grande fée. Ses pouvoirs sont immenses. Elle peut voler dans les airs et se transformer en animal. Elle a lu tous les livres. Elle connaît les plantes et peut soigner toutes les blessures. Morgane est la demi-sœur du valeureux roi Arthur. Ses compagnons de la table ronde, elle les connaît à peu près tous. Oui, bon, ça va. On leur donne une épée pour faire joujou et ils sont persuadés d'avoir inventé la recette du cake au citron. Franchement, pourquoi on s'extasie toujours devant des bandes de gogoles en armure? Morgane n'est pas du genre à se laisser impressionner. C'est une femme libre qui n'obéit qu'à elle-même. Elle règne sur l'île d'Avalon, où commence d'ailleurs notre odyssée. Celui qui pénètre sur l'île d'Avalon bascule dans un autre monde qui n'est plus tout à fait celui des humains. À Avalon vivent les fées, les magiciens et les druides. C'est un lieu merveilleux, planté de pommiers, traversé de longues rivières qui éclaboussent le visage en faisant 1000 poussières de diamants. Lorsqu'elle contemple son royaume, Morgane se sent puissante et pardie. C'est vrai qu'elle l'est. Sans savoir, elle le tient du plus grand des magiciens, Merlin. Morgane, depuis peu, est une femme amoureuse. Elle a donné son cœur au jeune chevalier Guillaume. Mais la tendresse, hélas, ne répare pas toutes les blessures. Le passé de Morgane est sombre. Il a la couleur du chagrin. Attention, nous sommes sur le point de remonter le mystérieux couloir du temps. Morgane n'a pas toujours vécu à Avalon. Autrefois, elle aussi habitait le royaume de l'ogre. Elle était alors une tortue. Mais non, une enfant. Une nuit terrible, le roi Uther Pendragon déclara la guerre à son père, Gorlois, le duc de Tintagel. Pourquoi ? Eh bien, Uther était tombé amoureux de son épouse, la mère de Morgane, la délicieuse dame Igerne. Il en était si fou qu'il était prêt à répandre le sang pour prendre possession de son cœur. Affolé, Merlin lui proposa alors son aide. Grâce à un tour de magie dont lui seul a le secret, Uther prit l'apparence de Gorlois. Igerne n'y vit que du feu. Elle s'abandonna dans ses bras. Pendant ce temps, Uther fit assassiner le vrai Gorlois dans la forêt. Puis, il épousa Igerne et se débarrassa de la petite Morgane. Fais ton baluchon, ma petite. Tu vas partir loin. Très loin. Et c'est ainsi que Morgane, chassée loin des siens, s'est retrouvée à Avalon, l'île des fées. Là-bas, elle s'est tournée vers les sciences et la magie. S'il y a une chose qu'aucun roi ne pourra jamais me reprendre, c'est mon savoir. Morgane, très vite, s'est révélée extrêmement douée. Elle finit par attirer l'attention de Merlin, qui, impressionné par ses talents, décida de lui enseigner ses plus puissants sortilèges. Utilise les forces de l'univers. La nature, c'est elle qui te donnera la puissance. Tu verras, la vie de magicien, c'est génial. On peut se transformer en chèvre, en biche, en oiseau. Morgane, qui a les cheveux et les yeux noirs, avait choisi le corbeau. Souvent, on la voyait voler dans le soleil couchant, ses deux grandes ailes déployées dans le ciel. Entre-temps, son demi-petit frère, Arthur, était né. Les années ont passé. Morgane est devenue une grande fée. Depuis qu'elle a rencontré le jeune chevalier Guillaumard, la vie, heureusement, s'est faite un peu plus douce. Mais enfin, jusqu'à quand ? Le chevalier, depuis quelques semaines, se comporte d'une façon bien étrange. Guillaumard vient de moins en moins la voir à Avalon. Il reste au royaume de l'Ogre, prétextant de grandes réunions dans la forêt de Brocéliande, au cœur de la Bretagne. C'est absurde. Les chevaliers n'ont jamais de réunion. C'est sûr, il y a un crocodile sous le palmier. Pour en avoir le cœur net, un soir, Morgane décide de le suivre. En pensée, bien sûr, grâce à sa magie. Elle ferme les yeux et le voit, là, marcher, le cœur léger. Guillaumard sautille. Il agite sa main dans les airs. Ma parole. Oh, oh, mais que fait-il ? Est-ce une mouche ? Une abeille qui soudain le picote ? Oh non. Il salue une jeune femme. Guillaumard se met à courir. Il saute dans ses bras et il l'embrasse. La douleur est si forte que Morgane s'effondre par terre. Elle pleure de rage. Pauvre petit cœur, combien de fois vas-tu encore te fendre ? Puis, elle se relève. La vengeance n'attend pas. Immédiatement, elle apparaît devant Guillaumard. Le chevalier n'a pas le temps de prononcer un seul mot. Morgane le foudroie du regard. Ses pieds, ses jambes, ses bras, son visage, tout son corps devient de la pierre. Il se transforme en montagne. Ah, non. Oh, pardon, excuse-moi. Je n'avais pas bien vu. En minuscule caillou. Oui, Laure. Ce cloporte si insignifiant, j'en aurais fait une montagne. Morgane plaisante, Mais ce n'est qu'une façon de masquer sa douleur. Depuis trop longtemps, elle est trahie, rejetée, blessée. Il est temps que le monde connaisse l'étendue de sa fureur. Autour d'elle s'étend un bien joli ballon. Elle décide de lui jeter un petit sortilège. Jolie Vallée, tu seras désormais connue sous le nom de Val sans retour. Chaque homme qui te traversera pourra connaître deux sorts. S'il n'a jamais trahi sa dame, il en sortira sain et sauf. Si un jour il a été infidèle, il deviendra ton prisonnier. Les femmes viendront à leur guise pour les aimer comme bon leur semble, mais eux, plus jamais, ils ne pourront partir à l'aventure pour la gloire et l'honneur ou je ne sais quoi. Tel sera le sort des faux amoureux. Puis, elle s'en va. Au fil des années, le Val sans retour accueille de nombreux prisonniers. Dans le royaume de l'ogre, on commence à s'inquiéter. Les chevaliers disparaissent les uns après les autres sans que personne, et particulièrement le roi Arthur, n'y comprenne rien. Ma parole, mais où sont-ils passés? Sont-ils retenus à une super foire à la saucisse dont personne ne m'aurait parlé? Morgane, non mécontente de son petit tour, poursuit ses aventures. Les chevaliers de la table ronde continuent de l'hériter. N'empêche, ils peuvent toujours compter sur elle pour soigner chacune de leurs blessures. Au fond, si la fée agit ainsi, c'est pour protéger son petit frère, Arthur, qu'elle a toujours adoré. Elle passe d'ailleurs souvent le voir pour s'assurer que tout va bien dans son château de Camelot, où il s'est installé avec son épouse, la reine Guenièvre. Lors d'une de ses visites, le cœur de Morgane, de nouveau, se met à battre la chamade. Au château de Camelot, on croise toutes sortes de chevaliers. Le plus valeureux, le plus intelligent, le plus beau. Mais non, pas tout à fait le plus drôle. Oh bah non, il ne faut pas exagérer. S'appelle Lancelot du Lac. Lorsqu'elle l'aperçoit, Morgane en tombe immédiatement amoureuse. Et tandis qu'elle observe, émerveillée, son visage si doux, si calme, d'étranges visions apparaissent au fond de sa pupille. Le cœur de Lancelot est déjà pris? Il appartient à une autre? Mais à qui? Oh non, c'est pas vrai! À la femme d'Arthur, la reine Guenièvre! Immédiatement, elle prévient son frère. Hélas, il refuse de la croire. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ma femme et mon plus fidèle chevalier, ils s'aimeraient en secret? Une fois encore, Morgane est rejetée, abandonnée. Patience, petit cœur, patience, murmure-t-elle en quittant le château de Camelot. La vengeance viendra à toi. Lancelot a passé son enfance dans la forêt de Brocéliande. Il y retourne très souvent. Quelques semaines plus tard, il découvre l'entrée du fameux Val sans retour. Il fait tellement beau à l'intérieur. L'herbe est si verte qu'il décide de s'y engouffrer. Ce qu'il découvre, mamma mia, il n'en croit pas ses yeux. Partout, des chevaliers sans leur armure gambadent le sourire aux lèvres. Ils jouent de la musique, ils boivent des vins délicieux. C'est étrange. Pense Lancelot. Ils ont l'air heureux, mais quelque chose ne va pas. Eh oui, Banane, ils sont prisonniers. Lancelot, dont l'amour pour Guenièvre est très pur, traverse le Val sans retour, sans encombre, et même plus. Ils auront le charme de Morgane. La fée est hors d'elle. Il ne m'échappera pas, ce concombre des mers. Aussitôt, grâce à sa magie, elle l'enferme dans un cachot. Là, toutes les nuits, tous les jours, Lancelot dessine sur les murs le portrait de sa belle Guenièvre. Morgane, au début, enrage. Mais c'est pas vrai. Il ne pourrait pas dessiner autre chose? Une biche, un chevreuil, ou même, tiens, une tortue? Et puis, soudain, elle a une révélation. Ses dessins sont une preuve. Lorsque mon frère Arthur les verra, il n'aura pas d'autre choix que de me croire. Vite, elle le fait chercher. Entre-temps, Lancelot réussit à s'échapper, mais peu importe. Le plus important pour elle désormais, c'est la réaction de son petit frère. Va-t-il enfin la croire? Hélas, c'est peine perdue. Morgane, comment as-tu pu inventer une ruse si sournoise? Tu n'es plus ma sœur. Puis il s'en va en galopant dans un nuage de poussière. Morgane a les jambes en coton. De tous les mauvais tours que lui a joué le destin, celui-ci est sans doute le pire. Cette fois, la coupe est pleine. De quoi? Mais, ma foi, de haine. Morgane n'est pas la seule à souhaiter la fin du roi Arthur. Son neveu, Mordred, rêve lui aussi d'écrabouiller le roi. Il veut s'emparer de la couronne et monter sur le trône. Mordred sera l'instrument de sa vengeance. Morgane attise dans l'esprit de son neveu le feu de la violence. Lorsqu'il est enfin prêt, elle l'envoie au combat. Le roi Arthur n'a pas livré bataille depuis fort longtemps. Le pauvre est un peu rouillé. Mordred n'en fait qu'une bouchée. Au moment où il lève son épée dans le ciel pour donner le dernier coup, le coup fatal, Morgane sent son cœur se briser. Elle le comprend tout à coup. Sa haine est allée trop loin. Hélas, c'est trop tard. Le corps de son petit frère, le roi Arthur, gît par terre. Alors Morgane le prend dans ses bras, puis elle l'emporte, loin, sur son lit. À la fabrication des Odyssées, il y a Hélène Biziot, Fanny Leroy, Basile Bocquer, Benjamin Jauré et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. La mystérieuse et magnifique forêt de Brocéliande existe-t-elle? Eh bien, difficile à dire. Selon certaines sources, il pourrait s'agir de la jolie forêt de Pimpon qui se trouve en Bretagne. Si tu es de passage dans le coin, n'hésite pas à y jeter un œil. Et puis surtout, écris-moi pour me dire ce que tu en penses.